18 octobre 1979. Mon patron, on l'appelle Franklich. Monsieur Franklich. C'est l'un des plus grands trafiquants du territoire. Et si un mec veut pas payer, c'est moi qui m'en occupe. Mon nom à moi, c'est Cristobal. Le péteur de balles. Et j'ai une mission. Faire signer le contrat de cession de toutes les propriétés de cet enfoiré de Guy, ainsi que son club dont il est associé à cet autre enfoiré de Ricky. Ouais, 5 millions de dollars, ça fait un sacré paquet de pognon, ça. Hey, Yogi. Alors, tu te souviens de moi? Toi, recule. Dépêche-toi. Alors, tu sais pourquoi je suis là? Tu sais pourquoi on est là? Va te faire foutre. C'est à ce moment précis que je me dis qu'il se fout de ma gueule. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que tu me fais perdre mon temps. Et je déteste ça. Tu sais ce que je vais faire là? Je vais fumer. Et quand je fume, c'est que je stresse. Et si je stresse, c'est que je vais faire quelque chose de mal! Tu m'entends? Ton flingue, c'est un faux. T'avais qu'une balle dans ton chargeur. T'avais deux balles dans ton chargeur. Comme je vous l'ai dit, mon nom c'est Cristobal, le péteur de balles. Ça, je mangeais le flow, ah. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, nonchalant, elle danse sur du wesh alors. J'ai les poches remplies, je bouge la tête, je suis assis, ça, je mangeais le flow, ah. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana. Me fais pas répéter. No. Dans le club, c'est quoi me faire respecter? Yeah, oui. Milliers d'euros en espèces ou CB. Yeah. C'est l'argent de la drogue ou des CD. Vert quand c'est pas des jus pressés. Shit. T'assumeras pas, prends un VTC. C'est pas mes sables, c'est moi qui coûte cher. Oui. Si t'as l'ennemi qui va prendre cher. Ah merde, quoi? J'ai payé. Ah. Le prix, j'ai pas regardé. Merde, shit. J'ai payé. Oui. Le prix, j'ai pas regardé. Ah. Nonchalant, bah oui. Elle danse sur du wesh alors. J'ai les poches remplies, bouge la tête, tu vois si ça, je mangeais le flow. Ah. Tony Montana, oui. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, nonchalant. Elle danse sur du wesh alors. J'ai les poches remplies, ouais, les contrats, bouge là, la tête, tu vois si ça, je mangeais le flow. Ah. Tony Montana, oui. Tony Montana. Ils ont fumé, Didier. Va me les fumer là, tu me les termines. Je reviens du futur comme train. J'ai vu ta carrière partir en fumée comme Ken. T'es pas le gros, on te soulève comme Stan. Ta peau s'accroche à moi comme dingue. Tu fais pigeonner pour du Christian Dior. Tu me rejoins dès qu'il s'endort. Hardcore, je passe les rapports de la Ventador. J'ai des sous donc je suis un mec en or. Tu vois le genre, en Fendi, en Bandit, on grandit, jamais on oublie. On grappule à la ninja là qu'on s'en sorte. Faut que tu passes au hazy. Nonchalant, elle danse sur du wesh alors. J'ai les poches remplies, je bouge la tête, tu vois si ça, je mangeais le flow. Ah. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana. Nonchalant, elle danse sur du wesh alors. J'ai les poches remplies, je bouge la tête, tu vois si ça, je mangeais le flow. Ah. Tony Montana, Tony Montana. On gère le terrain et la communication comme Epifanio Vargas. A-L-O-N-Z-O, Franklich. Voilà la perdante. Oui. Et le flow est tellement sale qu'il est dégueulasse. Yeah.